بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions. Nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité, et le dernier de ses prophètes. Après cela, yuwal ikhwa, nous continuons dans la lecture de l'explication des belles perles qui est nommée Fadlu Rabbil Bariya, la grâce du Seigneur des hommes, dans l'explication des belles perles de l'imam Shawkani dans la jurisprudence. Alors nous sommes dans le chapitre Kitab al-Janaiz, le chapitre des funérailles. Et nous avons déjà vu le sens de Janaïs, et nous avons vu aussi le sujet qui concerne Ayadatul Marid, la visite du malade, et ce que les savants ont dit à ce sujet. Donc aujourd'hui, nous allons voir Bismillah, la parole de l'auteur du livre wa talqinu al-muhtadari ash-shahadatayn. Alors, ce qui est connu, c'est que cela peut arriver lorsqu'on rend visite aux malades. Et c'est l'une des fa'ida, des bénéfices, lorsqu'on a un frère qui est malade, d'aller lui rendre visite. Parce que si on ne lui rend pas visite, on ne pourra pas lui demander de dire la ilaha illallah lorsque nous allons nous rendre compte que sa maladie est grave et qu'il ne peut plus s'en sortir. Alors il y a des alamat pour connaître cela. Souvent sa manière de regarder change. Et on sait par cela que la personne, il est finnaza. Il est finnaza, c'est-à-dire dans le moment où l'âme doit sortir. Et cela arrive aussi lorsque tu le vois respirer, yani tirer la respiration d'un coup, et puis relâcher avec la force. En ce moment, il faut te rendre compte que il est en train de rendre l'âme. Et c'est l'agonie. Mais cela n'arrive que lorsqu'on rend visite aux malades. Est-ce que vous comprenez? Souvent aussi, il arrive que son pied et le reste de son corps n'ont pas le même tempérament. En ce moment, tu te rends compte que la personne est en train de rendre l'âme. Donc, lorsqu'on est face à cela, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le sujet que l'imam Shawkani va aborder ici. Talqinu, il dit talqin, taqulu laqantuhu shay. C'est-à-dire, je lui ai demandé de prononcer une chose. Fatalaqanahu, il a prononcé. Iza akhadahu min fika mubashara. C'est-à-dire, s'il prend quelque chose directement de ta bouche, c'est ce qu'on appelle at-talqin. Tayyib. Fahuwa zikru shahadatayn. C'est la mention des deux attestations. Lahu mushafahatan. En lui demandant de prononcer directement dans la bouche. Takulu lahu. Tu lui dis. Ya fulan, ou un tel, kul, la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Taïb. Donc tu lui dis de dire cela. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tu lui demandes de dire cela. Hada ma'na talqin. Voici le sens de At-Talqin. Al-Muhtadar, comme ici il dit, Talqin al-Muhtadar. Al-Muhtadar, bi-fat-hit-dad, Muhtadar, avec la fat-ha-sil-dad, alladhi hadarahu al-maut. C'est celui dont la mort se présente à lui. Fawa fi-naz'i. C'est-à-dire, naz', c'est lorsque l'âme est en train de quitter le corps. Donc, celui-là, qu'Allah nous accorde tous une bonne fin. Donc, si on arrive à ce moment, on doit lui faire le talqin. Al-Shahadatayn. Il dit, Aytakoulula. Tu lui dis, Koul. Tu lui dis, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu lui dis cela. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Non? Tu lui dis de dire, Kul, tu lui dis, la ilaha illallah. C'est bon? Tu lui dis de dire La ilaha illallah. Non, tu ne répètes pas. Tu lui dis de dire Oui. Ma femme, tu lui demandes de dire La ilaha illallah. Ok? Non, c'est ce qu'est la sunna. Et on va voir. Non? Oui, c'est ça. Non, on va voir cela, cette masala tout à l'heure, Inch'Allah. Mais ce que la sunna, c'est de lui demander de dire. Tayyib. Donc, le fils de l'imam Ahmad bin Hanbal, il rapporte que lorsque la mort s'est présentée à son père, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, rahimatullah alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, son fils lui disait, Kul, ya Abi, la ilaha illallah. Son fils disait à son père de dire La ilaha illallah. Et son père disait La ma ba'du. La ma ba'du. Non, pas encore. Alors, son fils Il était étonné d'entendre cela. Hatta lorsque son père, yani, il a commencé à voir clair. Il a demandé à son père, il dit, moi je te disais de dire la ilaha illallah, et toi tu dis la ma'abadu. Et son père lui dit que le moment où tu disais cela, faqad jaa'a ash-shaytan. Shaytan est venu, il a dit futtani Ahmad. Et dit Ahmad m'a éprouvé. Et moi je lui disais la ma'abadu. Je ne t'ai pas encore éprouvé. Pas encore. Pourquoi? Il dit, je vais t'éprouver que lorsque je vais rendre l'âme. Sinon, avant que l'âme ne soit rendue, si l'âme n'est pas encore sortie, je risque de dévier. Alors, je ne t'ai pas encore éprouvé. Allahu Akbar. Il a dit, Futani Ahmad. يقول أحمد لا ما بعده لا ما بعده حتى يعني يخرج الروح jusqu'à ce que l'âme sorte là je sais que je suis sauvé là j'étais réellement éprouvé. Donc dans ce asar nous voyons que le fils il a dit à son père de dire la ilaha illallah. Tayyib. Ba'dun nas, il y a certaines personnes, yakoulu lak, il te dit, la taqul lahu, ne lui dis pas, kul, dis, bal, taqulu lah, ne lui dis pas kul, bal naqulu lahu kul, cette personne on lui dit, kul. Il dit, certaines personnes disent qu'il ne faut pas dire cool, il ne faut pas dire à la personne, dis la ilaha illallah. Il faut dire la ilaha illallah auprès de lui. Alors le cheikh Ali Ramli dit, bal nakulu lahu cool. On lui dit cool. Fahakaza alamana nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tayyib, wahakaza fa'ala. C'est comme ça qu'il a fait. فقد قال لمن كان على وشك الموت يعني وشك قرب il a dit à celui qui était proche de la mort قل لا إله إلا الله n'est-ce pas il a dit cela ou pas لكن لا ترددها علي il dit mais ne répète pas cela فإذا قالها فاسكت s'il a dit tu t'étais فإن عاد si revient وتكلم et parle فأعيدها عليه faut le répéter encore parce que Rasoul صلى الله عليه وسلم dit من كان آخر كلامي c'est-à-dire que si tu dis à la personne au moribond dit لا إله إلا الله il a dit mais il vient avec d'autres paroles dis-lui de dire encore. S'il revient avec une autre parole, tu lui demandes de dire encore. Jusqu'à ce que sa dernière parole soit La ilaha illallah. Tayyib. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhal al jannah. N'est-ce pas? Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad. Abu Daoud et autres rapporteurs que ces deux, c'est le hadith de Mu'az ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu. Fanahnu indama nulakkin hadha al-muhtadar, et nous, lorsque on demande à ce moribond de dire la ilaha illallah, al-shahadatayn, les deux attestations, nuridu an yakuna akhir kalamihi. Nous voulons que sa dernière parole soit La ilaha illallah. Que yakunu min ahli jannah. Afin qu'il soit parmi les gens du paradis. فَإِذَا قَالَهَا تَسْكُتْ S'il a dit, tu te tais. وَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهَا Mais s'il reste comme ça, il n'a plus parlé encore après avoir dit la ilaha illallah, فَلَا تَعُودْهَا عَلَيْهِ Ne lui demande pas de dire encore la ilaha illallah. لَكِنْ إِنْ عَادَ وَتَكَلَّمَا Mais s'il est revenu, il a parlé بِكَلَامٍ آخَرٍ Avec une autre parole, تُعِيدُهَا عَلَيْهِ Tu lui demandes de dire encore كَيْ تَكُونُ آخِرِ مَا يَكُولُ Pour que ce soit la dernière chose qu'il dit. Qu'Allah nous facilite cela. Mais comme je l'ai dit, on ne pourra faire cela que lorsqu'on va rendre visite régulièrement à nos frères qui sont malades. Et vous savez que parmi nous, il y a beaucoup qui ont une famille qui n'ont pas de bonne compréhension dans la religion. Souvent, quand le frère, il est malade, c'est le frère qui doit venir s'acquitter de cette obligation. Ils ne lui rendent pas visite. Et après, on appelle certains d'entre eux pour dire « Votre ami est décédé. » Il ne sait pas si son frère, son ami, est décédé avec la ilaha illallah. Alors que, il pouvait rendre visite à son frère et aller se rendre compte de cette situation. Donc, la ziyara entre les frères, c'est au iyadatul marid, c'est une sunna, et c'est un wajibul kifa'i. Est-ce que vous comprenez? Donc, multipliez cela lorsque vous avez votre frère qui est malade. Ne dites pas que, il faut que la maladie soit grave. Souvent, simple. Chez nous, ici, on dit un simple palu. Alors que le palu, c'est une maladie qui est grave. Ça tue les gens ailleurs. Mais ici, nous, on dit simple palu. Mais cette maladie tue. Donc, s'il arrive que ton frère, il est malade, c'est d'aller lui rendre visite. Et de faire l'effort d'aimant de mettre cette sunna en pratique. Qu'Allah nous accorde la compréhension. فتلقين المعتذر c'est-à-dire demander aux morts de dire la ilaha illallah sunnatun sabitatun an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est une sunna qui est sabit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qala abu sa'id al-khudri dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqinu mawtakum c'est-à-dire faites répéter à vos morts la ilaha illallah Il dit la ilaha illallah. Il faut le réveiller. Réveille-le. On a qu'à lui prendre l'ablution. Non. Donc ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Wa ma'anahu. Le sens de cela. Man hadarahu al-maut. Celui que la mort se présente à lui. Écoutez bien cela. L'al-mayyit, ce n'est pas le mort. Est-ce que vous comprenez? L'al-mayyit. L'an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam laqana man hadarahu al-maut. Il a demandé à celui dont la mort se présente à lui de dire La ilaha illallah. N'est-ce pas? L'al-mayyit, ce n'est pas le mort. Pourquoi le cheikh dit cela? Parce qu'il y a d'autres parmi les innovations. C'est que lorsque la personne décède déjà, ils lui disent « Dis la ilaha illallah ». C'est en ce moment il vient et fait le talqin. Hein? Le cadavre. Hein? Et lorsqu'ils vont maintenant l'enterrer, ils lui disent « Ambalmanche, amini do kabroula 600. Nanki ibla kabroula. Ka tchentchen blaika. Belake flabinana. Mon kiro. Wana kiro. No flanana. Ouvini nyinga. Man rabbuk. Imatike jone. Yafo. Rabbi Allah. Ouvini nyinga. Na. Fianya mauna. Ah, toi yu. Na. Donc, ouvini nyinga. la yafo rabbi allah noko ma dinuk ikadina jumale yafo dini alislam man nabiyuk di nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam yen ngali jabi c'est-à-dire cela il pense qu'il peut faire plan avec allah subhanahu wa ta'ala ça va comme l'a dit le frère lui il a assisté à cela et même oustaz pire. Non. C'est ça d'après Talqin. Ils ne comprennent pas l'arabe. Parce que Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Laqinu mautakum. Mauta. Mauta, c'est celui qui est déjà mort. Donc, ils disent Laqinu mautakum. Ils ne comprennent pas l'arabe. Pour faire le talqin. C'est cette question. Non, mais l'égarement est toujours comme ça. Quel est ton père, ton imam, ta maison, ta femme, ta qibla, tes enfants? هذا ضلال مبين أليس كذلك كلا نبريزر نعم دونك قال رحمه الله لتد ليفي دي وتوجيهه لوسكي ديسيد متنا سوا او بيان il est مختدر نو لوسكيل مختدر il n'est pas encore décédé. Il faut le diriger vers la Qibla. Lorsqu'il disait qu'il est en train de mourir. C'est-à-dire, min sunnati tawjihul muhtadar ila al Qibla. Fait partie de la sunna de diriger celui, le moribond, vers la Qibla. Walakin hal hadha min sunna. Est-ce que cela fait partie de la sunna? Kama qala al muallif. Comme l'auteur a dit, Amla, ou bien ça ne fait pas partie de la sunna. Filmas alati, dans le sujet, Khilafun bayna ahli l'ilm. Il y a une divergence parmi les gens de science. Fabaduhum, certains d'entre eux, yuqarriru ma qarrarahu al-mu'allif. Approuve. Ce que l'auteur du livre a approuvé. Il y a certains parmi eux qui approuvent cela. Tayyib. Wa yakulu aydi innahu min as-sunnah. Et ils disent que cela fait partie de la sunna de diriger le moribond vers la Qibla. Lakinnahum ya'tamiduna, mais ils se basent ala ahadith da'ifa. C'est des hadiths qui sont da'if. La yasihu minha shay. Rien de ces hadiths n'est authentique. Wa lam yasbut an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fi hadith sahih. Dans un hadith authentique, annahu kana yuwajjihu al-muhtadar ila al-qibla. Qui dirigeait le muhtadar, le moribond, vers la Qibla. Il n'y a pas de hadith authentique. Tous les hadiths qui viennent sont daif. Mais yastadilluna bi hadith Ubayd ibn Umayr an abihi. Ubayd ibn Umayr, d'après son père, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa qad sa'alahu rajul an al-kaba'ir. Qu'un homme lui a demandé au sujet des grands péchés. Qala hiya tis'un. Il a donné les kaba'ir a 9 péchés. Yani al-kaba'ir. A 9 péchés. Yani al-kaba'ir. Wa dhakara minha, il a mentionné parmi les 9 istihlalul bayt. استهلال البيت بيت الحرام c'est-à-dire parmi les kabaïr il y a le fait d'autoriser ce qui est haram dans la maison sacrée ça va d'autoriser ce qui est haram tel que quelqu'un dit on peut faire le jima dans bayt al haram alors que c'est haram donc il autorise cela ça fait partie des kabaïr et il a dit qiblatukum votre qibla bayt al haram c'est votre qibla ahya'an wa amwata que vous soyez vivant ou que vous soyez mort c'est votre qibla donc ils ont tiré de ces hadiths amwata c'est-à-dire le moribond donc il faut diriger le moribond vers la qibla qalu ils disent qal le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qiblatukum ahya'an wa amwata votre qibla vivant ou mort faman arada yamut donc ils disent maintenant celui qui veut mourir nastaqbiluhu bihi al-qibla on le dirige vers la qibla le cheikh Ali Ramli dit hadha khata c'est une erreur khata min nahiyati du côté anna hadith nafsuhu da'if le hadith est da'if la yasih deuxièmement والامر الثاني قوله امواتا فالمحتضر ليس ميتا le muhtadar est-ce qu'il est mort hein ma zala hayyan donc si rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit qiblatukum ahya'an wa amwata ça veut dire quoi ahya'an lorsque vous priez c'est votre qibla amwata lorsque vous mourrez on vous dirige vers la qibla n'est-ce pas? Mais est-ce que le moribond, lui, il est dans quelle situation? Il n'est pas encore mort. Il est entre la vie et la mort. N'est-ce pas? Donc, il ne rentre pas dans ce hadith. Wa innamal maqsoud, ce qui est le but ici, annakum tastaqbiluna al-mayyit. Et tastaqbiluna al-bayt, vous vous dirigez vers la maison sacrifice salat, dans la prière, wa kazalika amwatan fil qabr. C'est de même lorsque vous décédez dans la tombe, on vous dirige vers la qibla. Falayad khulufi. Alors, il rentre pas dans ce hadith. N'est-ce pas? Fal mayyit fi qabrihi yakunu muttajihan ilal qibla. Le mort dans sa tombe, il est dirigé vers la qibla. Toyeb. Ensuite, wastadallu aidan bi hadith inda al-hakim. Ils ont argumenté aussi avec un hadith qui vient dans Mustadrak al-Hakim. Ainsi que dans Sunan al-Kubra de l'imam Bayhaqi d'après Abi Qatada. Quel est le hadith? An Abi Qatada an al-Bara'a ibn Ma'ruf ibn Ma'rur awsa an yuwajjah إلى القبلة إذا حضر إذي البراءة إلى donner comme injonction comme wasiya que lorsque la mort va arriver à lui qu'il soit dirigé vers la Qibla فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit maintenant أصاب الفطرة c'est-à-dire il a eu exactement la fitra lorsqu'il a demandé qu'il soit dirigé vers la Qibla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a validé cela. Wal hadith da'if. Le hadith est faible. Fawa mursal. Et c'est un hadith qui ne remonte même pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fihi, il y a aussi dans le hadith Nu'aym ibn Hammad. Nu'aym ibn Hammad, il est da'if. Il est da'if. Wa kana Sa'id ibn Musayyib. Wa huwa ahad al-a'immat at-tabi'in al-kibar. Sa'id Musayyib était, il fait partie des imams, des tabi'in, les grands imams, min fuqaha al-Madina, parmi les savants de Médine, à Saba, les grands savants, les sept, Yonkiroha Delfiel, ils dépréciaient, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Fakadu wa jahou il al kibla. On l'a dirigé vers la kibla, wa kana yahtadiru. La mort s'était présentée à lui. Falamma istayqara, lorsqu'il s'est réveillé, qala man fa'ala bi dhalik. Il dit, qui a fait cela? De moi. Qalu fulan. On dit un tel. Fa ankarahu. Il n'était pas d'accord avec ce wa qala, alaysa al mayyit umru'un musliman. Est-ce que le mort n'est pas une personne musulmane? Falimada tuwajjihunahu ila al-qibla. Pourquoi vous le dirigez vers la qibla pendant qu'il n'est pas encore mort? Hein? Il est musulman, n'est-ce pas? Naam. Ici, akhrajahu ibn Abi Shayba. Fal-ibratu bid-dalil ala kulli hal. Donc, est-ce qu'on doit diriger le moribond vers la Qibla, alors ce qui est considéré ici, aywal ikhwa, ce sont les preuves. Wa bima annahu lam yarid fi sunna shay, comme rien n'est venu dans la sunna, sahih, authentique, ani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi zalik, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cela, falaysa hadha mina sunna. Alors cela ne fait pas partie de la sunna. Wa khassatan, de façon spécifique, annahu قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم qu'il a été, qui est venu de façon authentique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أنه حضر أكثر من واحد, qu'il y a beaucoup de personnes dont la mort s'est présentée à eux, كانوا يحتضرون, et ils étaient face à la mort, ومع ذلك, et malgré cela, لم يثبت عنه, c'est pas venu de lui في حديث واحد, dans un seul hadith, أمر بهم, qui leur a ordonné an wajjihu ila al-qibla, de diriger cette personne vers la Qibla. Il y a combien de personnes qui sont décédées à l'époque du professeur Hassan? Beaucoup. Mais est-ce qu'on a un dalil qui montre qu'on doit diriger le mort vers la Qibla? Allahu Akbar. Rahimallahu ahl sunnah. Wa hafidhahum. Qu'Allah fasse miséricorde aux gens de la sunna et qu'Allah les préserve. Et quoi, dans ce genre de situation, on cherche à savoir ce qui est authentique ou pas. Dans cette situation, hein, on cherche à savoir si c'est authentique de le diriger vers la Qibla ou pas. Hein? On doit chercher. Aïwa. Ce sont les gens de la sunna qui font cela. Sinon, les innovateurs. Il y a Falun. Si eux-mêmes, ils peuvent tirer la Qibla, là, vous venez déposer devant lui, ils vont le faire. Ou bien. Hein? Nassalullah, alafia wa salama. Qu'Allah nous préserve sur la sunna. Donc, Fasahi izan anna hadal fil laysa min as-sunna. Ce qui est authentique, c'est que cette action ne fait pas partie de la sunna. قال رحمه الله وتغميضه اذا مات lorsqu'il décède maintenant. تغميض, c'est fermer ses yeux. Lorsqu'il décède, on doit fermer ses yeux. Car les yeux suivent l'âme. Les yeux suivent l'âme lorsqu'elle sort. Donc il faut maintenant fermer ses yeux. Aïmina sunnati, fait partie de la sunna, tarmidu aïnei il mayit, de fermer les deux yeux du mort, idamata, lorsqu'il décède. Les hadiths de Ummi Salama, à cause des hadiths de Ummi Salama, qalat, elle dit, dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Abi Salama. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur Abi Salama, وقد شق بصره شق بصره الذي سجيته ouvert فاغمده النبي صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a fermé ses deux yeux aida ba'da ma mata lorsqu'il est mort fataha abu salama aynayhi il a ouvert ses deux yeux فاغمده An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fermé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fermé ses deux yeux. Summa qal, ensuite il a dit, Inna ruha, l'âme, idha qubida, lorsqu'on le saisit, taba'ahu al-basar. Le regard suit l'âme. Lorsque l'âme sort, Fadou Janas, min Ahli Abi Salama. Donc, les gens de la famille de Abu Salama ont commencé à crier, c'est-à-dire pleurer. Faqal, il a dit, La tadou ala anfusikum illa bi khair. Il dit, ne dites que du bien sur vous-même. Parce que souvent le mort, lorsque quelqu'un meurt, c'est en ce moment que tu verras toutes sortes de personnes. Et voilà Rubama, ce sont des gens qui n'ont même pas accordé de l'importance à la personne de son vivant. Mais lorsqu'ils meurent, ils viennent faire toutes sortes de bruit, de cinéma. Ils vont sauter, ils vont crier. Dans d'autres coutumes même, ils vont louer des gens pour venir pleurer. On les appelle les pleureurs professionnels. Allahul Musta'an. Non, ça c'est les mécréants qui font ça. Mais généralement aussi, dans les cours musulmanes, lorsque quelqu'un décède, tu le verras en train de crier, en train de sauter. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Adi da'watul jahiliya ». Non. Non. Non. Oui. Ils accueillent ceux qui sont au village avec pleurs. Mais la réalité, c'est que chacun cherche à se protéger. Si tu n'as pas pleuré, on dit que tu es content. C'est comme ça la coutume. C'est-à-dire qu'il y a certaines coutumes, si on ne t'a pas vu pleurer, c'est comme si tu es content. Moi, je me rappelle, lorsque mon père est décédé, rahimahullah. Il a commencé à rendre l'âme devant moi. J'étais assis. Jusqu'à ce que, lorsqu'il est décédé, j'ai seulement coulé les larmes lorsque il avait déjà rendu l'âme et puis j'ai fermé ses yeux. Mais lorsque ils sont venus le soulever pour le mettre, pour le laver et autres, j'ai plus pleuré. J'étais triste, vrai. J'étais dépassé. Est-ce que vous comprenez? Mais une anecdote, avant sa mort, le conseil que j'ai retenu de lui, c'était que il m'a dit de ne pas prendre la religion à la légère. Et ça a été vraiment un grand point de départ pour moi. Mais après son décès, j'étais vraiment triste. J'étais triste. Mais j'ai un oncle qui est son propre petit frère. Comme il a vu que je ne pleurais pas, j'étais triste, c'est vrai, mais j'étais dans mon coin. Il allait raconter que quand mon père est décédé, j'étais content. Il a dit cela aux gens. Que j'étais heureux que mon père soit décédé. Rubama, c'est pour prendre héritage. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est juste pour vous dire que il y a des coutumes, lorsque tu ne pleures pas, on t'accuse d'être content. Ça, c'est leur coutume. Nous, on n'obéit pas à leur coutume. Mais c'est pour juste vous expliquer, comme le grand frère il a dit, Robama, ils peuvent causer, mais lorsqu'ils arrivent au village, on doit savoir que tout le monde est triste. On doit savoir que tout le monde est touché par la mort. N'est-ce pas? Ils commencent à pleurer. Ça, c'est Dawa Jahiliya. Qu'Allah nous préserve de cela. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos parents qui sont décédés sur le tawhid. Donc ici, quand le messager d'Allah il a dit cela, parce que lorsqu'ils commencent à crier, ils disent des paroles négatives. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il dit, n'invoquez sur vous-même que du bien. Il a dit, fa innal malaika, car les anges yu'aminuna ala ma taqulun. Ils disent amin si ce que vous dites. Vous comprenez? Ni ton père ou bien ton frère est décédé, comme on voit chez les Bambara, c'est un djoula. Il crie, il est dans la cour. Anta tiena, l'ange dit amin. Anko karla, l'ange dit amin. Ammako sala, l'ange dit amin. Anya jenna, anko jenna, l'ange dit amin. N'est-ce pas? Anka parapluie tiena. C'est lui qui a décidé là, c'est le parapluie. Hein? Donc, les anges disent amin. Et effectivement, atta tiena, ako karla, parapluie sola, abekela. Allahu al-musta'an. Falyakun al-abd hadaran fi hadhihi al-lahza. Le serviteur doit prendre ses gardes dans ce moment-là. En yadwa la nafsi bi shay, d'invoquer contre lui-même. Fayahliku fi dunyahu. Il va périr dans sa dunya wa akhirah et dans son au-delà. Parce que fa innal malaika tu'aminu ala ma yaqul. Les anges disent amin si ce qu'il dit. Allahu Akbar. C'est de faire attention. En ce moment, Allahumma ajirna fi musibatina. Allah récompense-nous pour le malheur. C'est-à-dire pour notre malheur. C'est-à-dire ce que nous avons subi. Wa khlufna khayra minha. Et accorde-nous un remplacement meilleur que cela. Voici la doua. Qu'on doit faire. Allahumma khfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu aw madkhalahu. Qu'Allah nous préserve. C'est de faire des invocations pour nous-mêmes. Qu'Allah nous préserve. Summa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allahumma khfir li abi salama. Allah pardonne Abu Salama. Warfa darajatahu. Allah élève son degré fil mahdiyin, parmi les mahdiyin, parmi les bien guidés. Wa akhlifhu fi aqibi fil ghabirin. Et donne-lui un remplaçant dans sa descendance. Waghfir lahu wa lahu ya rabb al alamin. Et waghfir lana, pardonne-nous, wa lahu, et à lui, ya rabb al alamin. Ô le Seigneur de l'univers, wafsih lahu, et Allah ouvre, c'est-à-dire étend pour lui, fi qabrihi, dans sa tombe, wa nawwir lahu fi, et illumine sa tombe. Faisons des doigts. Wa shahidna min al hadith, wa shahidina min al hadith, notre témoin argumentatif dans le hadith, c'est qawlu ummi salama, c'est la parole de Umm Salama, qui dit « Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam daqala ala Abi Salama wa qad shaqqa basara fa qad shaqqa basari fa aghmadahu yani fa aghmada aynayhi. » Il a fermé ses deux yeux. Ensuite, qala al-muallif, l'auteur du livre, il dit « Wa qira'atu Yasin alayhi » Naam. Et lire Yassine sur le mort. Azama alayhi. Malayhi ahlul bida. Al-Malikiyun. Naam. L'imam Shawkani, il a dit cela. Mu'tamidan ala dalil. Il s'est basé, il n'est pas comme ce Khurafiyun. Il s'est basé sur la preuve. Et on va voir la preuve. Aïe mina sunnati de la sunna an yakra surat Yasin ala al-mayyit. C'est de lire surat Yasin sur le mort. Ba'da mawtihi, après sa mort, wa qabla wad'ihi. Après l'avoir mis dans sa tombe, fil qabri, dans sa tombe. Ba'da mawtihi, après sa mort. Wa qabla wad'ihi, et avant de le mettre dans la tombe. Naam. Alors, il dit ici, mina sunna. Fait partie de la sunna. Isadal al-Musannif, l'auteur du livre s'est basé, rahimahullah, il a argumenté, ba'da an zakara hadha bi qawli. Il a argumenté. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est basé sur une preuve. Iqra'u ala mawtakum yasin. Lisez si vous mort, surat Yasin, le hadith est daif. Wa qad zakarna fi ma mada. Nous avons mentionné dans ce qui a précédé, anna ayya hadith tazkuru, que tu mentionnes, tazkuru masdarahu l'asli, tu mentionnes sa source de base. Wa man kharraj al hadith, et celui qui a rapporté le hadith, min kutubi sunna al mu'tamada, venant des livres de sunna qui sont connus, dont sont tu bases dessus. Summa iza kana kharij as-sahihayn, si le hadith n'est pas dans les deux authentiques, yalzamuka an tazkuru min siha man sahahahu, tu dois mentionner celui qui a rendu le hadith sahih, ou da'afahu, ou est qu'il a rendu da'if, min al-ulama, parmi les savants. Liana ahadith sahihayn, car les hadiths qui viennent dans les deux authentiques, qad ittafaqa ulama al-islam, les savants de l'islam sont unanimes ala sihhati ma fihima, sur l'authenticité des hadiths qui sont dans les deux, illa hadith, ahadith yasira, sauf quelques petits hadiths, sahaha al-Bukhari wa sahaha muslim, dont Bukhari a rendu authentique et muslim a rendu authentique. Amma ma kana kharij as-sahihayn, mais quant à ce qui est en dehors de deux livres, muslim Bukhari, fa nahtaju ila ma'rifati masdar al-hadith. On a besoin de connaître la source du hadith, wa ma'rifati man sahahahu, et connaître qui a rendu le hadith authentique, ou da'afahu, ou qui l'a rendu faible. Fal hadith sabiq, mais le hadith précédent da'if, non? Naam. Naam, les savants sont unanimes si c'est un hadith qui sont dans Bukhari. Ça c'est le asul de Bukhari. Mais il y a les hadiths qui sont dans Bukhari. Bukhari a mené ta'liqan. Il a mené ta'liqan. C'est-à-dire pour faire ta'liq si c'est un hadith. Et il se trouve que ces hadiths-là, il y a d'autres qui ne sont pas sahih. Mais lui, il a rendu sahih avant d'émettre. Tayyib. Mais après, on trouve que ces hadiths qui ne sont pas min dimni al-Bukhari. Ils ne sont pas dans le Bukhari, mais ce sont les hadiths qui sont venus pour y aller expliquer certains hadiths. Donc voilà pourquoi tu verras des hadiths, yani, akhrajahu Bukhari ta'liqan. Bukhari a rapporté le hadith ta'liqan. Mais ce n'est pas min dimn al-Bukhari. Ce qui est min dimn al-Bukhari, c'est-à-dire du Bukhari ittafaqu alayh. Ils sont unanimes sur cela. Tayyib, barakallahu fik. Donc, wa iza kana da'ifan fala yu'malu bihi. Si c'est da'if, on ne travaille pas avec. Li anna al-amal la yakunu illa bil hadith as-sahih. On ne pratique que le hadith qui est authentique. Wal hadith sahih wa ma sabata. Le hadith sahih, c'est ce qui est venu authentique. Anna nabi sallam qalahu. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Amma al-hadith da'if. Quand le hadith da'if, fa innahu lam yasbut anna nabi sallam qalahu. C'est pas venu authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Voilà pourquoi certains savants disent, si tu rapportes le hadith da'if, faut dire oui. À la siratu tamrid. On appelle cela siratu tamrid. C'est-à-dire, rouya anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu dis, qalahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, anta qad rawayta al-hadith bil jazm. Tu as rapporté le hadith avec sûreté. Donc, si ce n'est pas authentique, faut qu'on le kazab ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu as menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, la Bouddha, Allah يعني تروى هذا الحديث إلا أن صيغتي التمريض سيسي حديث كدعيف طيب يا دوتر سي لسكي رابط في حديث يديس أو كما قال أو بيان كم إلادي ولكن ما هذا الحديث ضعيف لا ترويه تندوبا لرابطي على صيغة الجزم صبا dit, il a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un hadith. Mais même avec cela, quelqu'un peut comprendre que ça vient de lui. Ça va? Alors nous accorde la compréhension. Fa'hadha al-hadith, mais ce hadith da'afa ou darakutni. Darakutni a rendu ce hadith da'if. Wa huwa imamun kabir min ulama al-hadith. C'est un grand imam parmi les imams des hadiths. Wa mutakhassis. متخصص ما معنى متخصص spécialiste في علم العلل dans les sciences dans la science qui concerne le problème des hadiths وكذلك ضعف ابن قطان الفاسي ابن قطان الفاسي وهو من علماء هذا الشان il fait partie des savants de ce domaine donc فقراءة سورة ياسين على الميت لا تصح lire سورة ياسين sur le mort n'est pas authentique لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسه venu authentique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أنه حضر أقواما يحتضرون qu'il est venu trouver des gens qui étaient en train de يعني qui étaient des moribonds وما ذلك لم يصح عنه c'est pas venu de façon authentique أنه قرأ القرآن عليهم qu'il a lu le Coran sur lui ولا أمر بذلك et aussi il n'a pas ordonné cela wala raghiba fi et aussi il n'a pas incité à cela est-ce que vous comprenez donc al hadith la yasih on récite pas surat yasin sur le mort donc on va s'arrêter ici bismillah tabarak wa taala et nous allons continuer la semaine prochaine inshallah qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc ici, les trois masaïls que nous avons vus, qui est d'abord, talqin, qu'est-ce qu'on a dit? Ce qui est sahih, c'est quoi? Non? De demander au mort de dire, la ilaha illallah. Mais certaines personnes disent que on ne doit pas lui demander de dire. L'oustaz, le frère Abou Fatima, il a mentionné la parole de Cheikh Ousseymine. Wa illa anna annana na'tamidu ala al-adilla. On se base sur les preuves. La preuve montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens de dire la ilaha illallah. Donc nous aussi, on demande la farq bayna hadha fi hadha bayna al-muslim wal kafir. Il a demandé à son nom de dire « La ilaha illallah ». Comme il a demandé au ghulam al-yahoudi de dire « La ilaha illallah ». Il a demandé aussi à certains parmi les compagnons de dire « La ilaha illallah ». « Wa kullu hadha ruwiya anhu ». Ensuite, la deuxième masala c'était quoi? Non. Le rediriger vers la Qibla. Non. de le diriger vers la Kibla. On a dit, qu'est-ce qui est authentique là? Non? C'est pas Sahih de le diriger vers là, mais lorsqu'il est mort, c'est Sahih de le diriger vers la Kibla. Ensuite, on a vu quoi? Oui, lorsqu'il est mort, lorsqu'on l'enterre, on l'enterre dans sa tombe. Dans sa tombe, on le dirige vers la Kibla. Non. Non. Non, tarmidou izamat. C'est-à-dire, on ferme ses yeux lorsqu'il meurt. Ensuite, la dernière masala, qu'est-ce qu'on a vu? Kiraatu yasin al-maut al-mayit. Hein? Et ça, c'est authentique? Ça, ce n'est pas authentique. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons voir la mas'ala. Wal-mubadaratu bitajihizihi. Naam. C'est-à-dire se précipiter pour le préparer, c'est-à-dire l'ensevelir et laver le corps. Ça va? Qu'Allah nous préserve. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم وعليكم السلام إمام الشوكاني لا تذكر الآن نعم